Là, je voudrais parler des illusions du sixième sens. Dans le monde de la parapsychologie, ou dans le monde des études ésotériques, ou dans le monde des études occultes, on parle d'un sixième sens. Et ce sixième sens-là représente, pour ceux qui l'étudient, une addition aux cinq sens matériels de l'homme. Au cours du 21e siècle, d'ailleurs, tout a commencé, il y aura beaucoup de personnes qui vivront ce qu'ils appellent le sixième sens. Mais tous ceux qui vivront le sixième sens vivront un niveau de conscience qui n'est pas dû à la conscience solaire. Ce que je dis par là, c'est que la conscience solaire, c'est une conscience infiniment étroite. Parce qu'elle n'est pas vécue au niveau de la conscience subjective de l'ego. De l'autre côté, elle est extrêmement vaste parce qu'elle est vécue en dehors de la conscience subjective de l'ego. Et en dehors de la conscience subjective de l'ego, tout ce que les gens appellent le sixième sens, ou les sens, ne sont pas identifiables par l'ego parce que une coupure aura été établie entre l'ego et la personnalité. Les êtres de l'avenir, les hommes de l'avenir qui auront vécu une conscience solaire, vivront une conscience solaire, ne passeront pas par le biais de l'expression subjective de certaines facultés psychiques. C'est pour ça que dans l'expérience de certains parmi vous, par exemple, vous allez voir que ceux qui ont des dons, ceux qui ont des facultés psychiques extrasensorielles, ceux qui ont des facultés de déplacement dans l'astral, de voyage astral, vont perdre ou perdre graduellement ces facultés-là. Il y en a qui comprennent ça, ce que je dis? Et ça, c'est essentiel pour une raison. C'est pour empêcher la magie noire. La magie noire sur la planète, c'est un des plus grands dangers de la planète. Et dès que l'homme peut manipuler des forces ou faire l'expression dans sa conscience subjective de certaines forces, il est apte à être l'expression directe ou indirecte d'intelligence active qui cherche à manipuler, à conditionner ou à dominer l'évolution de l'homme. La magie noire, c'est ça. Les hommes solaires, parce que dans la sixième race, il y a des nuances qu'il faut établir, que je parlerai. Les hommes solaires n'auront pas de conscience subjective de leur pouvoir. Ils auront une conscience objective de leur pouvoir. Et cette conscience objective-là sera une relation entre l'âme et l'ego et non une relation entre l'ego et la personnalité. C'est pourquoi la personnalité, plus les hommes entrent dans la conscience solaire, plus la personnalité ou l'effet de l'ego sur la personnalité, que j'appelle le petit moi. C'est le petit moi. Mandez-vous dans votre tête, là, mandez-vous cette question-là. Mandez-vous, qu'est-ce que c'est que moi? Vous allez voir que c'est moins réel que c'était avant qu'on se rencontre. C'est certain. Il y en a qui comprennent ce que je dis. Le moi, il est moins moi. Il est moins dense. Il est plus petit. Il est moins réel. Il est moins présent qu'avant. Il y en a qui comprennent ça? Il y a moins d'importance. Bon, là, vous commencez, ça fait quoi, quelques mois? Imaginez-vous dans 20 ans. Dans 20 ans, vous n'aurez plus de ça. De sorte que l'expression de la conscience cosmique à travers vos principes ne sera plus considérée par vous comme étant un sixième sens. Ne sera plus une manifestation de ce que vous appelez aujourd'hui les pouvoirs psychiques. Ça va être aussi naturel pour vous autres, ça, qu'aujourd'hui de ne pas l'avoir. Aussi naturel que manger. Aussitôt que l'ego a conscience d'un pouvoir, il veut s'en servir. Dans conscience solaire, l'homme ne peut pas se servir de ses pouvoirs parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de petit moi. La résonance du petit moi existe. Quand il passe, quand elle passe, l'énergie est en relation avec l'âme et l'ego. Et puis en relation avec l'ego et la personnalité. Bon, on a un exemple. Quand vous couchez le soir, vous couchez, vous rêvez, vous avez une conscience. Mais votre moi, il n'est pas aussi dense qu'il est le jour. Pourtant, il est là. Parce que votre ego est beaucoup plus en relation avec l'âme et moins avec la personnalité. De sorte que le soir, vous pouvez faire des expériences. Il y en a qui peuvent faire des expériences ce soir. Mais aussitôt que vous rentrez dans votre corps, ça revient. Et vous l'avez fait. Mais vous êtes fiers de garder, ça vous fait derrière. Au niveau des pouvoirs de l'homme solaire, parce que je fais une distinction de ce qui est là, c'est l'homme solaire. Ça fait longtemps que je vais rentrer dans cette histoire-là. Est-ce que c'est la même chose que le plan mental? Continuez. Parce que moi, je n'ai jamais pu comprendre qu'on est ou qu'on n'est pas des plans mentaux. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui ont un écran mental, il y en a qui ne l'auront pas. L'écran mental, je t'en. Vous n'aurez plus besoin. Parce que l'écran mental, ce que vous appelez vous autres l'écran mental aujourd'hui, ça fait partie de votre imagination créative. Mais cette imagination créative-là est pas pure. Sans ça, si tu avais un écran mental, je vais me prendre comme modèle. Moi, je n'ai pas d'écran mental. Moi, je ferme mes yeux, je te vois plus, c'est noir. Noir. J'ai pas d'écran mental. Si j'avais un écran mental, avec ce que je sais, je partirais en ballon tout le temps. Je regarderais les laboratoires de la fibre, je regarderais les ailes des autres planètes, je regarderais ce que je parlerais, je regarderais, je le sais, parce que je comprendrais tout ce qui se passe, je m'épuiserais, je me brûlerais la batterie. Fait que j'ai pas d'écran mental. Alors, mon écran mental est remplacé par un instantané. De sorte que si je veux parler de ta chambre chez eux, je peux parler de ta chambre chez eux puis décrire les objets dans ta chambre, la couleur de ton lit. J'ai pas besoin de le voir sur l'écran mental. C'est un instantané. Fait que comme ça, je perds pas d'énergie à regarder ce que je fais. Quand tu regardes pas ce que tu sais, tu n'es pas impliqué dans ce que tu vois. Puis quand tu n'es pas impliqué dans ce que tu vois, tu n'es pas intéressé à ce que tu sais. Il y a un cercle. Ou si tu es intéressé dans ce que tu sais, tu ne comprends pas ce que tu vois, parce que ce que tu vois est imparfaitement imprimé dans ton esprit. La preuve, c'est que tu as besoin d'un écran mental pour le réaliser. S'il était parfaitement imprimé dans ton esprit, tu le serais dessus, tu n'as pas besoin de le voir. Alors, la perfection du corps mental t'amène éventuellement à substituer ton écran mental pour un instantané qui fait partie de la vibration de ton esprit et en directe liaison avec les autres. Si tu as besoin d'une autre faculté pour intervenir dans la construction de quelque chose, pour étudier quelque chose, tu le fais sur un autre plan. Tu vas te servir de ton corps éthérique. À ce moment-là, tu vas regarder quelque chose. Tu vas mentaliser la forme. Tu vas mentaliser la forme. Tu vas créer la forme avec ton mental. Puis en créant la forme avec le mental, tu vas élever ta vibration, tu vas ajuster ta vibration, puis éventuellement, si tu as besoin de la forme, c'est de ta matérielle, de ta matérialité. Fait qu'au fur et à mesure que tu progresses dans le développement de la forme, dans la création d'une forme nouvelle, tu n'es jamais dominé par une forme ancienne. Le danger du grand mental, c'est que vous pouvez toujours être dominé par une forme ancienne ou être dominé par des intrus qui viennent vous visiter. Lui, il parlait de l'heure, il y a les deux petits bonhommes verts qui arrivent qui sont des grands mentales. Les deux petits bonhommes verts qui viennent dans son grand mental sont des êtres sur d'autres plans qui se projettent sur son écran mental. Lui, ça peut être pour le fun. Ça peut être le fun pour lui, là. C'est rien là. Il y a des gens qui souffrent de ça. Parce que quand il y a quelqu'un qui t'arrive sur ta télévision, puis qui n'arrive pas, puis qui n'en sort pas, ça commence à créer des tensions. Fait que, tu sais, l'écran mental, les gens s'en servent de différentes façons. Il est relié à la conscience subjective. Il est relié à la conscience subjective, l'écran mental. C'est pour ça que les gens qui font des écoles, comment est-ce qu'ils appellent ça, le scientologie, mind control, tout ça, le silver mind control, toutes ces affaires-là. C'est tout lié, ça, de loin, loin, loin. C'est tout lié à Maginot. Ils ne savent pas. C'est tout lié à Maginot. Ça marche. Les gens sont stupides parce qu'aussitôt que ça marche, je pense que c'est bon. C'est plus en danger. Quand ça marche, ça devance. Si ça ne marche pas, là, c'est correct. Ça peut pas défaire. J'ai fait ça le week-end, moi, Bernard, là, de domaine de la vie. Tu voyais les maladies des autres, il y avait pas les gens au niveau. Tu voyais toutes les maladies. Mais quand on pouvait, dans ça, faire des gens guérir la personne, mais on demandait la permission, c'est lui qui nous a permis de guérir. On allait plus loin, mais. Et ça, on fait partie de la. Je vais vous expliquer quelque chose. L'homme est inquiet naturellement dans son âme. Ça veut dire que l'homme n'est jamais capable de savoir parfaitement ce qu'il sait. Parce que l'homme n'est pas capable de se servir de ses corps supérieurs. Alors, il est obligé de se servir de ses corps inférieurs. En se servant de ses corps inférieurs, il est toujours dominé par une condition d'évolution sans le réaliser. Mais ses sentiments sont bons. Vous, il y a bien des gens qui font de la magie noire et qui ne savent pas. Ils pensent qu'ils font de la magie blanche. Il y a bien des gens qui font des choses dont ils ne connaissent pas la connexion. Parce qu'ils ne vont pas assez loin en arrière pour voir qui c'est qui fait ça. D'où ça commence? D'où ça commence? La manipulation psychologique de l'homme qui amène l'homme à développer des techniques pour diviser l'ego de l'âme. Parce que le silver mind control, toutes ces affaires-là, ça divise l'ego de l'âme. Puis je vais vous donner une preuve. C'est que quand vous faites ça assez longtemps, là, vous en venez à un point où c'est toujours présent dans votre vie. La présence. L'homme, dans son devenir, l'homme, quand il est. Mais ça, c'est ce qu'il est. Libre. Il faut qu'il n'y ait rien ici. Pour que ça soit disponible à la canalisation, des fois, ça vient. Des fois, ça se sent dans le canal, il se manifeste. Mais si cette affaire-là est bourrée, ça bloque. quand c'est bourré par des mécanismes vibratoires aussi forts que ça, ces affaires-là, ils ont beaucoup de difficultés à pénétrer. L'individu peut avoir de très bonnes intentions. C'est plein de monde qui a de bonnes intentions dans la terre, sur la terre. C'est plein. Les témoins de Jéhovah, c'est un exemple. Qui ont une très grande intention. Mais qui c'est qui est derrière le mouvement des témoins de Jéhovah? Ils savent-tu, ça? Ils vont dire Jéhovah. Ils savent ce que c'est Jéhovah. Ça va loin à faire. J'en ai fait une expérience avec concernant. Nous autres, on pensait qu'on allait passer un bisou. C'est vrai, parce qu'ils mettaient en tête qu'en développant ça, qu'il y a un milliard de pourcentage de apparemment, qu'on se servait 20% de notre conscience. Pour le bénéfice de l'ego. C'est ça. Ça, c'est de la magie noire. On peut se faire le vendre maintenant. Vous venez de l'exprimer. Voyez-vous, je pense ça, là. Il y a assez loin profondément, parce qu'il y a des choses, si tu t'apprenais, si tu allais plus loin, on a fait le tout dans le texte, dans le cas cosmique, c'est une fois là, ça ne s'arrête pas du tout dans le texte. Il y avait des meurtres qu'on descendait un peu plus bas, là, puis il y avait une porte, puis ça devient balancé. Puis là, à un moment donné, en descendant ce meurtre, je me faisais toujours, j'ai vu un personnage, là. Il était noir, je voyais juste le visage, deux mains. Quand on est monté dans le groupe, c'est la seule qui avait vu un personnage-là, il me dit c'est lui, c'est lui. Ben là, ça fait pour tout. Bon. C'est grave. Mais là, ça se voyait. C'était pas comme au conscient, comme aujourd'hui, la tête. Pour moi, ça, je pense que ça fait ça. C'est pas possible. C'est important que vous compreniez ces choses-là. Vérifiez par vous-même, pas par moi. Toujours par vous-même. Parce que une fois que je vous dis, à ce moment-là, là, les autres, ils vont vous donner l'information. Mais tant que je ne vous dis pas, ils ne vous diront pas parce que vous êtes soumis au niveau du mensonge cosmique, vous êtes tous pris dans le même bateau. C'est à cause de mon pouvoir vibratoire que vous pouvez ensuite, par vous-même, vérifier si c'est bien ça ou si c'est pas ça. Je vous ouvre des portes. Parce que c'est vrai ce que tu dis là, parce qu'après, quand on a commencé les rencontres avec toi, avant le séminaire, j'avais complètement perdu. Je pouvais plus voir les maladies des gens. Parce que je vous en reste comme ça, les personnes disaient quel nom, c'est servière ou bien je ne savais pas. Je voyais vous dire. Et là, après, tout la table, ça vous a voyait tout, tout comme ça. Là, c'est des qu'on utilisait, par exemple. C'était en disco. Il y avait des gens qui étaient venus à la maison pour. La conscience supplémentaire, ça vous supporte. Ça vous donne de l'énergie, ça vous supporte. Ça vous supporte. Dans des œuvres qui requièrent beaucoup d'énergie, ça vous supporte. Je ne vous vide pas. Moi, si je vous parle, puis je me remplis. Je ne me vide pas. Alors, il faut faire bien attention. Puis ça, dans le monde occidental, ou surtout aux États-Unis, c'est très fort. Ça rentre au Québec, là. À plein train. C'est très fort, ça va être très fort. Mais d'abord, c'est quoi cette magie blanche? La magie blanche, c'est une activité qui est contrôlée par les maîtres spirituels de l'évolution. La magie noire, des activités contrôlées par les maîtres noirs de l'évolution. Bon, ben là, il y a un exemple de magie noire. Donnez un exemple de magie blanche. La magie blanche. La magie blanche, je vais vous donner un exemple. Comment s'appelle le frère André? Ça, c'est de la magie blanche. Les grands thaumaturges. C'est les grands saints, en fait. Ça, c'est de la magie blanche. Ça passe par eux autres. Et ça passe. C'est pas dans le domaine des pouvoirs. OK? C'est dans le domaine. D'ailleurs, il y a un nom pour ça. Ils appellent ça des dons. Oui, c'est ça. Des dons, des pouvoirs. Ah, c'est un don. C'est lié à la foi. C'est lié à tout ça, le facteur. Mais l'homme a la vibration. C'est correct. C'est ça. Ils peuvent faire certaines choses. Puis quand tu essayes avec d'autres, quand c'est tout qui essaie de le faire, ben, si tu n'as pas de contrôle là-dessus, ça marche pas. Si ça marche pas, ben, viens-en, tu te rends compte que ça marche pas parce que lui, il faut pas. Si tu le fais à l'autre, c'est pour le réveiller, lui, sa conscience, c'est ça. C'est non, ça passe au travers de l'autre. Les grands saints qu'on connaît dans l'Église catholique, là. Ça, ça fait partie de la magie de l'âme. Il y a beaucoup qui ont fait des choses durant le temps. À ce moment-là, ils servaient de la forme. Mais ça s'est vu. Pas l'entraînement, ça s'est vu. Comprenez la différence entre les deux. Mais là, qu'est-ce qu'il appelle la parapsychologie? La quoi? La parapsychologie. La parapsychologie? Oui. La parapsychologie, ça fait partie de la science matérielle. Tout ce qui tend à donner à l'homme un pouvoir, pour faire la main, les méthodes qui tendent à donner à l'homme un pouvoir, parce que l'homme va chercher à dominer la situation, surtout quand les méthodes sont dans le domaine du mental. Le mental de l'homme, l'esprit de l'homme, le mental de l'homme doit être vide. Et au cours des années, c'est canalisé. Le mental est vide, l'énergie passe, puis est canalisée. La relation entre l'ego est au niveau de l'âme, mais pas au niveau entre la personnalité et l'ego. Ça, je vous le dis parce que vous allez rencontrer du monde pour là-dedans. Ils vont vous dire, ah, ça c'est bon, c'est fantastique, tout ça. Puis effectivement, c'est intéressant. Intelligence créative. Il y a une différence entre l'intelligence créative et l'écran mental. L'intelligence créative peut se manifester symboliquement dans votre mental inférieur. Mais ce n'est pas nécessairement votre écran mental. L'écran mental n'est jamais sous votre contrôle. Il semble être sous votre contrôle, mais il n'est jamais sous votre contrôle. Puis il y a une subtile nuance, je le dis à tout le monde, surtout ceux qui sont plus... elle disait comme l'écran mental est contrôlé par les forces sataniques. L'intelligence créative est dirigée par les forces créatives, mais sur le même plan vibratoire du mental humain. Je vais faire une expérience. Essayez de vous imaginer une belle petite maison de neige. Regarde, par exemple. Et en même temps, en essayant de la garder, là, essayez de fonctionner au niveau de votre écran mental comme vous faisiez durant la période. Regardez ce qui se passe dans votre. Comme essayer d'amener les deux images ensemble. Tu n'as pas capable de le faire? Non. C'est qui se passe? Tu vois la formulaire juste là? Ouais. Et si je fais un effort pour l'autre, la voiture, là. Si tu fais un effort pour l'autre, vous êtes prêt à l'avoir. Ouais, mais ça vient de défendre à nouveau, je sais pas, ça aussi. Ouais. Je pense que c'est noir, là. Quand vous descendez à vos niveaux. Ouais. Parce que ça, vous arrêtez ça, moi, c'est une petite maison. Votre petite maison qui arrive quand vous descendez à vos niveaux. Ben, t'es pas capable de recevoir net. Pas net, pas aussi net que tout à l'heure. Redescendez au niveau en haut. C'est devenu après ça votre petite maison. C'est encore moins clair. Pense qu'elle est. Complètement l'opposé. OK? Tenez-vous l'esprit, là. Descendez à vos niveaux, là. OK? Là, c'est à remonter, puis essayer de reconstruire votre petite maison, votre belle petite maison, etc. C'est dans ce sens-là. Comme là, vous avez deux champs de force. Vous avez un champ de force qui est sous le contrôle des forces négatives. Un champ de force qui est sous le contrôle des forces créatives. Puis c'est ça l'interférence. Quand vous commencez à jouer avec le champ de force qui est lié aux forces négatives, éventuellement, vous remplissez tellement de la patente, tu sais, qu'eux autres, ils ne peuvent plus pas. Les gens ne réalisent pas. Il y en a un, je ne sais pas si c'est ça, c'est ça. Il y en a un qui a fait ça, l'autre fois, là. Il a voulu faire une expérience avec son écran. Son écran, sa patente, tu sais. Il m'a appelé. Ça marche pas. C'est lui. Bon, explique le nom. C'est quoi, je te l'avais expliqué. À chaque fois que je le faisais venir, je recevais un point. Et à un moment donné, je l'ai plus fait revenir. J'ai compris le message. Je l'ai plus fait revenir. Rien, c'était généreux de la part de l'époux. Et à partir de ce temps-là, ça m'a fait. J'ai arrêté ça complètement. Je faisais seulement que la temps, point final, je faisais ça. C'est subtil. Les choses de l'esprit. Dans Foucault, quand j'étais à séminaire, on parlait des peuples des centres de la terre. Il m'a dit, parce que je ne les avais jamais vus, il m'a dit, sers-toi de mes yeux comme miroir, puis de ton écran mental. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est avec ton écran mental que tu peux aller voir. Mais en te servant de mes yeux comme miroir, ça te donne le pouvoir de pénétrer dedans sous mon contrôle vibratoire. De sorte que les forces peuvent jamais générer dans ton esprit un recul de temps. Parce que moi, j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout parce que je ne voulais pas aller jusqu'au bout. Mais quand je dis je ne voulais pas, c'est l'ego qui se refusait à ça. Parce que je n'étais pas en accord avec la lumière. C'est lié à la crainte, toute la patente. Mais le principe, c'est que si tu t'aides de mes yeux, tu t'aides de l'énergie de mes yeux. Oui. Mes yeux sont actifs sur tous les plans. Oui. Quand tu t'aides de l'énergie de mes yeux, l'énergie ne peut plus revenir après. Tu peux descendre. Mais quand tu reviens, tu ne peux pas recevoir l'énergie. L'énergie ne peut pas te poursuivre après. Quand c'est fini l'expérience, c'est final. Parce que quand tu commences à descendre dans ces plans-là, l'énergie peut te revenir après. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu n'as pas le contrôle, quand tu es sensible, tu es manipulé. C'est ça. Ben, on t'envoie en bas à volonté. Oui. C'est ça que les gens qui jouent avec ça, les gens qui jouent là, avec tout le. La patente, c'est tout Eric qui occupe. Après ça, ils viennent savoir. Ils disent qu'ils ont cette expérience, puis ils ont la tête pleine de tout ça, de bébites, puis tout ça. J'ai compris. Vous allez dans les poubelles. C'est vrai. Vous allez dans les poubelles. Oui, parce que c'est bien, non? Quand on était au séminaire, je te disais, tu vois, moi, même quand on est plein, là, j'ai dit. Là, ce que j'ai vu d'après, anciennement, où se suivait, il était à la même longueur. Il était à sa même longueur, donc. Moi, je l'ai vu. Je ne pas le dire, parce que ça s'est mis. Mais j'ai vu, c'est pas ça, par exemple. Je me disais, parce qu'il peut se faire une télépathie universelle, puis tout. On laisse sa protection, mais ce que je ne te dis pas, c'est que, vu que l'écran est. Tous les hommes, l'ego de l'homme, les formes, tout ce qui est forme, est sous le contrôle, l'empire des forces sataniques. Un homme qui est conscient, là, qui crée une pensée forme, il y en a-t-il qui sont voyants, ceux qui peuvent voir les images? Tu crées une pensée forme, t'as détruit. Aussitôt que tu crées une pensée forme, t'as détruit. Regarde dans ton mental, mon mental, tu vas voir que quand je parle, je crée des pensées formes, puis automatiquement, j'ai détruit. Ils viennent, ils partent. Il n'y a rien qui reste, parce que j'ai pas de mémoire. C'est ça que tu es doré. Fait que j'accumule rien, c'est toujours clean, ma poubelle. Et vous autres, vous accumulez. Alors, l'ego fonctionne comme ça. Parce que moi, c'est toujours clair. C'est pour ça que j'ai pas besoin de mémoire. C'est pour ça que je pense pas. J'ai pas besoin de penser. Fait que je crée jamais d'égrégore. Mais les gens, à tous les niveaux, avec les meilleures intentions au monde, travaillent avec des forces, puis ils ne savent pas, puis ils ne réalisent pas. Surtout ceux qui s'avancent dans l'ésotérisme. À moins qu'ils travaillent dans des. Qui s'avancent dans un ésotérisme qui est protégé par certains rayons. Comme son maladie, tu n'as pas le droit de passer ça, tu n'as pas le droit de prendre la vie d'annonciateur, de faire pour toi, et pour Dieu, c'est pas le droit. Ça, je l'ai compris parce que j'ai failli de dire, ben, toi, je meurs. Non, mais ça, c'est subtil. Regarde, ça, c'est subtil. On va te montrer comment est-ce que c'est subtil. Sais-tu pourquoi est-ce qu'ils t'ont dit ça? Ils t'ont dit ça pour conserver ta faculté. Ah, ouais. Comment est-ce que je dis? Mente-toi les mentalement. Là. Pour conserver ta faculté, pour que tu puisses continuer à fonctionner de même. C'est pour ça que dans la magie noire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans la magie noire, le plus grand outil, c'est le bien. Ben oui, parle-le bien. Ben oui, quand ils vont faire la grande magie, les gens... Tu vois? Ils vont pas faire du mal au monde. Parce qu'eux autres, ces autres clients, ne sont pas intéressés à ce qu'une personne fasse du mal à une autre personne. Ils sont intéressés à dominer l'esprit de l'homme. Parce que quand ils dominent l'esprit de l'homme, ils sont capables de maintenir sur le plan humain l'ignorance. Et l'ignorance, regardez, l'ignorance, tu peux dire, bon, on ne comprend pas ça, mais c'est l'ignorance, on parle que c'est l'intelligence. C'est pas ça l'ignorance. C'est bien intelligent, l'ignorance. Être ignorant, c'est pas comprendre les lois de la lumière. Automatiquement, si tu ne comprends pas les lois de la lumière, tu descends. Éventuellement, t'es où tu es. Puis les autres qui sont ces autres-là vont te manipuler, mais vont se servir des bonnes intentions. Quand je vous dis en conférence, si jamais Satan vient, il va venir comme, à lui comme Michel Archange avec une autre. Vous voyez? Il ne va pas venir avec une Alors, c'est subtil de même. C'est vibratoirement. C'est vibratoirement que tu peux déceler si une action est manifestée ou sous le contrôle des forces retardataires ou sous le contrôle des forces alliées. C'est pour ça que on peut pas se fier à ce qu'on appelle nous autres le spirituel des anges. Parce que le spirituel peut aussi bien servir les forces noires que les forces spirituelles. Pour qu'un homme en arrive à être totalement sûr de lui-même, il faut qu'il soit au-delà, au-dessus du monde spirituel pour être en contact direct avec la hiérarchie des forces de lumière. Puis ensuite, veiller à ce que les activités qui sont perpétrées par les forces spirituelles soient reconnues, ou les activités perpétrées par les forces des ténèbres soient reconnues. Oui, je sais présentement qu'il y a des forces retardataires qui veulent s'infiltrer parmi vous autres. Puis ils vont servir de telle personnalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Toujours sous l'égide d'une forme spirituelle, hautement spirituelle, que l'homme considère hautement spirituelle. C'est par vibration interne que vous pouvez le savoir. De toute façon, demain, je les connais. Je les connais depuis longtemps. Bon, vous savez pas donner quoi? J'en veux rien, ça aide à votre vision. Ça aide à votre vision. Je trouverai même pas les os de ça. Je peux rencontrer cette personne-là, puis je vais m'appeler à cette personne-là comme si rien n'était. Elle sera même pas, tu le sais. Ça n'entraîne pas ton travail? Non, il n'y a rien qui ne peut pas travailler. Ça peut créer bien l'intention du monde. Oui, mais l'idée, ça consiste d'arrêter ce que les gens te connaissent de plus en plus, ou de plus en plus, pour arrêter une certaine évolution dans une grande. Une idée quoi? L'idée de ça, des fois, c'est de faire ça. C'est pour être inspiré à travers nous autres, je veux demander aussi que. Ben, retarder l'évolution de son travail. Ils vont se servir d'une autre forme de spiritualité pour juger de la façon dont je fonctionne. Si tu veux aussi la personnalité de l'être, il leur sert, sans le savoir. C'est seulement par vibration que vous pouvez savoir. Mais moi, personnellement, je laisse ça aller, ça me rassure. C'est difficile. Ça ne peut pas être autrement. Parce que je représente trop d'énergie contraire. Faut qu'il y ait un combat, il y a toujours un combat. Non, il n'y a pas de tabac. Bon, que vous n'avez pas à point clair, c'est à vous autres de savoir. Tout d'un coup, qui ont raison, puis moi, j'ai pas raison. Ça va être bien pris. Par vous autres. Moi, je suis bien consistant dans ma folie. Je peux dire des affaires qui sont pas vraies, c'est juste pour nous autres, pour nous ramener à autre chose. Je fais ce que j'ai à faire. C'est ça. Je suis pas mal clair.